Bonjour à toutes et à tous. C'est Dimanche Musette. Une heure d'accordéon tous les dimanches, de 9h à 10h. Le mardi, de 10h à 11h. Avec l'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves. Et c'est parti. Votre radio, Sorgia FM, 91 102.5. Vous aimez le musette? Le dimanche matin, le mardi matin, c'est pour vous. Nous sommes ensemble pendant une heure. Et ça continue, c'est pas fini. Thank you. chèvre, les chez Pierrette. C'était debout le mardi au relais chez Pierrette. On peut même écouter un air d'accordéon, car dans la famille il y a un sacré champion. Oui, c'est comme ça tous les jours au relais chez Pierrette. Un bon conseil, faites comme moi, rendez-vous là-bas. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. j'aimerais, mon ami, que tu passes par l'Alsace. Tu verras s'il est beau, mon pays, plein de grâce et d'esprit. Là-bas sur la place aux quatre marronniers, les rires des enfants se mêlent au chant tout joyeux du clocher en un refrain charmant. Ding dong, j'entends toujours le gai carillon d'amour, la voix de mon clocher là-bas en Alsace. Ding dong, mon cœur répond au rythme de la chanson. Le clair est plus léger, sont les jours qui passent. Sa vie tandis qu'elle passe. Et puis s'il m'est permis, j'entrerai au paradis au son de mon joli carillon d'Alsace. Thank you. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Faire une dédicace à un ami, à un parrain, à un proche ou autre. Vous appelez Sorgia FM au 04 50 56 01 48 jusqu'au vendredi matin 10h impérativement. Votre dédicace passera le dimanche et le mardi. C'est simple, c'est Sorgia FM. Thank you.